بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. La ruée vers les richesses vous distrait. حتى زرتم المقابر. Jusqu'au bord de vos tombes. كلا سوف تعلمون. Mais vous allez bientôt savoir. ثم كلا سوف تعلمون. Oui, vous allez bientôt savoir. كلا لو تعلمون علم اليقين. Si seulement vous pouviez savoir avec certitude. لترون الجحيم. Vous verriez alors l'enfer. ثم لترونها عين اليقين. Oui, vous le verriez, de vos yeux le verriez. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Puis ce jour-là, vous serez certes interrogé au sujet des plaisirs.